sur Fun Radio. N'hésitez pas toujours vous. Vous dormez, c'est pas bon. Vous ne dormez. Laisse finir comme ça maintenant. Passio Badia et Maya. Dos, tres. Un Passio Bada. Et voilà, vous venez d'écouter Ricky Martin avec Un Dos, tres. Et bien sûr, avant c'était. C'était quoi avant, Phil Darcy? Oui, si. C'était Will Smith avec Prends ça si tu le veux. Voilà, et bien, si vous voulez continuer les débats du jeudi soir, donc sur le Cricure, vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 est toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Et là, on accueille donc Mandarine. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, celui qui s'amuse à passer sur tout le monde, ça va pas aller là. Hein. Donc Véronique. Bonsoir. Alors Charbé, lui. Cynthia. Salut. Bonsoir. Fan quiz. Il y en a qui regardent trop des chaînes de télé. Ouais, c'est ce que j'ai sous les yeux. Désolé. Fan quiz, non mais je rêve. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils font au standard Queen. Et c'est quoi là, ce nom là? C'est ce que tu m'as donné. Moi, tu sais, j'ai pas vu sa carte d'identité par téléphone. Tranquille, hein. Moi je m'appelle Cascado. Estelban. Bonsoir. Et Jean-Christophe. Esteban. Salut Gérard. Esteban. Salut. Et Jean-Christophe pour finir. Salut Gérard, salut, ça va? Eh, celui qui s'amuse à passer sur tout le monde, ça va pas être bon là, hein, maintenant. On commence pas le deuxième débat comme ça. Même celui qui fait le coq. Paille. Aimez-vous écrire, alors, donc ce thème, c'est l'écriture quand même, hein, le thème du deuil. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais écrire, Gérard? Ah, il y a celui qui est en train de me picorer la testicule. Bah voilà. Ah, c'est bon. Celui qui vient de dire Sandy, tu peux le virer tout de suite, hein. Ça y est, déjà avant que tu le dises. Voilà, comme ça, ça a été vite, là. Non, je réponds. Donc aimez-vous écrire? Oh. Oui. Non mais, oh. Oui, je réponds, c'est Véronique. Je réponds. Bah vas-y. Oui, j'adore écrire. J'écris des... Bon, non, moi j'arrête, Max. Là. C'est plus possible de travailler comme ça. Moi, je suis pas d'accord, il y a du favoritisme, mais bon, c'est pas grave. Mais Gérard, tu m'écoutes? Je t'écoute. J'adore écrire. Je trouve que l'activité de l'écriture, c'est très enrichissant. Ça fait travailler les méninges. Ça fait travailler ton cerveau. C'est super, quoi. Voilà. Mandarine? Jamais répondez tous, essayez de poser un débat en fait. Ouais, percuter. On va tous percuter. Donc en fait, moi je pense que l'écriture c'est très bon, c'est très bien. Ouais, mais sans couper trop la parole aux flics quand même. Ok, bah alors on va laisser parler les meufs et on va se casser, c'est ça que tu veux, non? Non mais attends, mais tu restes poli s'il te plaît. Non mais le prends pas mal quand même. Non mais quand même. Ouais. Ben non mais tu restes poli s'il te plaît. Ouais. Bon d'accord. Je vous laisse le choix de répondre. Tous ensemble, mais si ça se passe mal, ça va casser. Ça va casser. Ok. Ça va casser dur. Ça va casser. Ah, il y a un petit malin qui passe sur son compte. Ouais, j'ai l'impression, là, ben, au standard, je sais pas ce qu'il fout encore. Bon, c'est pas grave. Donc, Ah, ta gueule en plus. Il y a un meurtre dans la radio, là, ou quoi? Donc, aimez-vous écrire? Oui. Donc, alors, répondez tous si vous voulez. En même temps, c'est pas à toi que je m'adresse, d'accord? Tu laisses répondre. Ah, d'accord. Parce que ça dit tout le monde répond. Non, mais pas vous. Moi, vous fermez vos gueules, vous êtes là pour gérer si ça se passe mal. Ouais, Gérard, c'est Jean-Christophe. Mmh. Voilà, je voulais répondre. Moi, j'aime pas écrire parce que c'est chiant, c'est tout ça. Donc voilà. Mais pourquoi tu aimes pas écrire? Parce que c'est fatigant, ça te prend la tête. Toi, t'as pas l'habitude d'écrire, mais. Attends, j'écris. T'écris tes questions. Toi, t'écris trois lignes sur un poème, et tu vois, mais. Mais c'est mais oh. Une synthèse, une syntaxe. Tu je voudrais te dire, je t'aime, ringarde. Bon, alors, Estelle, bon, c'est qui vient de dire ça? Oh là, les deux mecs! Ah, c'est pas moi, Gérard. Voilà, bon, ouais. Pas moi non plus. J'étais en train de te parler. Ouais. Je pense que c'est le mec qui passe sur tout le monde qui a dit ouais. Ça. Mais qui c'est qui s'est mis à passer sur tout le monde là? C'est le gamin de 13 ans. C'est le gamin de 13 ans. Non, ouais, ça commence à bien faire. Lui, il va falloir qu'elle. Non, là, ça commence à bien faire au standard. Gérard, ah oui, c'est nous. On peut rien faire, Gérard, parce qu'il a piraté la ligne. Donc... Mais j'aime pas trop comment tu parles à ton équipe. Hein. Un petit peu de respect quand même. Ouais, ouais. Tu sais qui dit ça? Heureusement, je suis là quand même. C'est le gamin de 13 ans. Non, mais toi, tu dégages. C'est le petit qui a rien fait. Voilà, tu vois, c'est lui encore. Mais il s'est pas couché encore à sa faire suivre, hein. C'est vrai. Le gamin de 13 ans, là. Bon, mais ça va, Manu. Les enfants, toi, tu es venu à donner tes messages perso en direct sur la mer. Mais non, mais t'es complètement starbé, toi. Ah, pardon. Bien joué, Manu, bien joué. Mais c'est pas bien, je peux sur internet. Mais t'as pas encore couché, toi? J'avais bientôt la messe. Non, mais Manu, tu vas faire des annonces, ça veut dire quoi? Eh, hey, tu te sens bien, toi, Olivier, aussi? Tu Olivier, vous passez vos coups depuis l'après, bande de cons. Elle va bien, ta mère, Manu? Ouais. Impeccable. On te passe le bonjour. Comment elle parle à Manu, c'est bon? Il fait un bisou. Et puis, si on continue comme ça, on parle de la mère de Gérard. Et Olivier, c'est pas bon, ça. Attention, qui c'est qui vient de dire ça? Il y a trois mecs, je veux savoir les trois mecs. Est-ce que je veux un nom. Moi, je suis pour rien, je suis le gamin, le petit, j'ai rien fait. Bon, toi, tu dégages. Allez, hop. Alors, qui c'est qui voulait jouer au con, là? Moi. Entre Fan Queen et... Et moi, on joue tous les deux, là. Ouais, mais attends, vas-y. Round. C'est comment, ton nom? Jean-Christophe. Eh ben alors, Jean-Christophe, tu dégages. C'est pas Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe. Ça commence à bien faire au standard, là. Moi, je suis les boules de l'aigle. Ça commence à bien... Bon, Olivier! Arrête, t'es sérieux, je me prends tout dans la tête après! Quand tu fais la prose, ça t'arrive d'essayer de. Bon, et on s'en va, allez, je vire tous les mecs! Radio guidage, bon! Allez, je vire tous les mecs, Gérard! Alors, Mandarine! Oui? Là, avec tout ça, j'ai oublié la question, Gérard. Tu m'excuseras. J'aimerais-vous écrire pour continuer? Moi, ça me fatigue. Non, mais là, ça commence... Attends, Mandarine. Non, mais Gérard. Ça commence à bien faire parce que lui, il fait que des conneries. Non, je sais pas. Et là, ça c'est même pas capable de gérer. C'est pas vrai. Il dit n'importe quoi, Gérard. Hein? Ça arrive pas à gérer de savoir qui c'est qui passe sur tout le monde. Bon, Gérard, donc, Mandarine. Quel est le problème, là, Gérard? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, top, on fait une pause. Tu mets tout le monde en antenne, on fait une réunion d'antenne. Une réunion de débat. Oui, de pro. Bon, Max, mais c'est Gérard. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bon, déjà au standard, C'est pas vrai. C'est pas nous. On n'est pas au standard. On est à l'antenne peut-être, mais c'est une réunion. Alors, au standard, vous avez pas fait. Je fais une réunion extraordinaire des débats. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, au standard, quand je vous demande qui c'est qui s'amuse à faire le con, vous essayez de le savoir. Mais ils piratent. On les a pas. Ah ouais, mais vous s'amuse à dire ma mère. Dans ce cas-là, tu essayes de... Mais c'est lui qui pirate. Je peux pas le virer. Non, mais dans ce cas-là, moi, je sais pas la peine d'insister. Bon, alors, d'accord. Le débat, c'est okay pour il va s'arrêter là. Il peut dire quoi, là? Ta sœur? Non. Non, mais attendez, bon, donc déjà, là, vous trouvez le mec qui pirate, le gamin, là, moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Et ça commence à... Mais lui, il sait qui c'est. On se tait, écoute Gérard, ensuite. Ah, ça commence à bien faire. Lui, là-bas. Alors, Olivier, pareil. Olivier, zéro. Zéro, c'est nul à la pro. La pro, il est même pas capable, quand je donne l'autre... Bon, j'écoutais pas. De parler. Oui. Monsieur s'amuse à dire que des conneries. Il laisse pas... Olivier, ton boulot, c'est de réaliser, c'est la pro, c'est pas de faire l'animation. L'animation, c'est Gérard. Donc, voilà. Voilà. Quoi d'autre encore? C'est tout. Ah ben ça va, il n'y a pas grand chose. Non, mais quand je demande quelque chose, je voudrais qu'au standard, ça soit bien respecté. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein. Bon, la réunion est terminée, on reprend le débat. C'est okay. Parti. Donc, alors, je repose pour la quatrième fois la même question. Aimez-vous écrire? Donc, j'attends vos réponses. Il y a un chiffre sur Minitel qui participe au débat. Oui, sur Minitel. Allez, allez, non. C'est bien. Alors, tu peux envoyer un disque. Ah mais non, c'est Manu, il a fait une mauvaise merde. On peut savoir qu'est-ce que vous avez fait? Bah c'est Phil Dard, il a... Mais non, c'est Manu, il met non, tous les gens en antenne, mais bon, en fait, tu vois, il a tout coupé tout le temps comme ça. Avec... Oh, bah, lâche ma cuisse, lâche ma cuisse. Mais non, non, non. Oh, rigole. De respecter les gens, alors soyez sympas. Bon, toi, t'arrêtes avec ça. C'était l'heure, tu vois, la manette, je vais la fermer, je vais te lancer dans la gueule. Je vais hurler comme ça. Bon, toi, tu dégages. Mais attends, il sort d'où celui-là? Il a le droit de parler comme tout le monde. Non, je crois qu'il a de la fièvre. Mais c'est pas ça, mais moi, je voulais répondre à la question. Allez hop, dehors. Allez hop, il dégage. Tu peux poser ta deuxième question. Non, mais tant que vous n'auriez pas tout seul. On a répondu, j'ai répondu. Deuxième question. On a tous répondu. J'ai pas répondu. Non, pour la deuxième question, à qui écrivez-vous? Ah, moi, Gérard. Qui? Jean-Christophe. Mmh. Alors, j'écris à ma mère. Ouais. Mes frères. Mes frères. Oh, c'était le bonheur. Et un petit peu à Gérard aussi. Et voilà. Mmh. Estelle, répondez en donnant vos noms, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas faire que. Oui. Pardon, Véronique. Mmh. Véronique répond. Donc, ouais, moi j'écris à ma mère, toute la famille, quoi. Mmh. Et puis, voilà, quoi. Je me demande même si elle t'écrirait pas, la demoiselle. Comment? Et qui c'est qui vient de dire ça? C'est pas moi. Non, mais ça. Oh, mais ça commence. Eh, vous êtes trois, vous commencez à me casser les couilles, ouais, là, tous les trois. Il faut comprendre qu'il y en a toujours qui mentent. Ouais, alors, bon, voilà. Ah oui, et GG. Quoi? Véronique, dernièrement j'ai écrit une lettre d'amour. Hein? Dernièrement j'ai écrit une lettre d'amour. Pour qui? Le Kiki. C'est quoi? Oh, il est pas malin. Mon mandarine. Ouais, moi j'écris rarement. Enfin, quand j'écris en général, c'est à mon copain quand il s'en va. D'accord. Moi, l'autre fois, j'ai écrit aux impôts parce que attends, mais attends. Tu donnes ton nom, c'est pas vrai. On est des vaches à lait, ma parole. Tu donnes ton nom. Tu donnes ton nom. C'est Esteban. Ouais, ben. Quand je demande ton nom, t'as prié de te réveiller un peu? Comment est-ce que ça, Esteban? Ça va, mais bien, Esteban. Bon, Esteban, tu dégages. Oui, non problème. Dehors. C'est okay. Vrai que les impôts, ils nous sucent jusqu'à la poêle, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de ça qui suce, hein. Qui c'est qui dit ça? Ben, c'est mon mari. Non, mais attendez, là. Il me reste deux mecs, je voudrais savoir lequel des deux qui s'amuse à dire des conneries comme ça. C'est pas fan quiz, hein, moi j'ai rien dit depuis le début. Esteban, je t'avais dit de le dégager. C'est vrai, ouais. Ouais, allez hop. Allez hop, dehors. Allez bien. Voilà, donc Jean-Christophe. Mmh. Ouais, bah moi je disais que ouais, j'écris à plein de monde, enfin des gens, des amis. C'est-à-dire Non, pas c'est-à-dire, tu es pas forcé de donner les noms. Voilà, bah ouais. Comment? Et non, mes amis, je dirais que j'écris à Gérard, tout ça, donc non. C'est pas vrai. Et en fait, ouais, non, j'écris à ma mère, tout à mes parents, c'est super. Mmh. Et pourquoi? Fin de quiz? Bah moi je me rappelle plus parce que ouais, j'ai pas d'amis alors. Tu veux qu'on soit des amis? Cynthia? Ouais, oui. Je veux. Hein. Tu veux que tu sois. Ah, moi je vais venir te voir. Pas Gérard. Cynthia, mais de toute manière je veux pas de toi. Ouais, t'avais raison, Gérard. Il est méchant celui-là. Ouais, si t'es pas content, tu retournes au standard et comme ça tu m'emmerderas pas longtemps. Donc, Cynthia? Oui, alors moi j'ai plein d'amis, donc je veux bien être l'ami de Fan Quiz. Ouais. Et j'écris pas en fait. Mais pas Gérard. Bon, en fait, je t'ai. Bon, Fan Quiz, c'est la seule. Encore une connerie comme ça et tu vas dégager. Ouais, ouais, mais sans toi, hein, si je dégage. Allez hop, tu dégages, c'est bon ce coup-là. Allez hop! Allez, tu me prends. Il veut bien me faire, mais sans toi. Allez. Tu me le vires complètement. Je sais pas comment elle a fait, Christine. Allez hop, oh là, non, y a... on accueille Hugo Frey. Et pendant ce temps-là, sur la place d'Esteban. Sur le Minitel 36.15 sur la radio, il y a Savannah qui dit GG, rappelle-moi pour ton débat, je serai réveillé avec ma voix sensuelle de chat qui attend son GG. C'est une mytho, en plus, ça peut m'exciter, alors c'est la totale. Qui c'est qui dit ça? Celui qui est parti, là. Non, mais oh. Quand je vous demande de dégager un mec, tu dis que des conneries là. Ça y est, il est viré là. Il est dégagé. Il est parti. Il est parti. Faut-il apprendre. Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? C'est un jeu de mots ça. Ouais. C'est genre au casque qui a fait les questions. Cynthia. Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai pas compris. Bah, faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Bah oui, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai pas compris. Bah, j'ai pas eu le temps de regarder. Non, c'est surtout que c'est pas toi qui as fait la question. Oui, alors pose une question que t'as faite, parce que là, franchement, ouais, ça sera mieux, Gérard. Non, mais moi, si je veux qu'il y ait... Je la comprends pas, la question, toi. Mais parce que j'ai... Il y a un jeu de mots dedans, tu les comprends pas. Tu ouais. Comprends. Allez, c'est une question que t'as fait, là. De manière, combien de lettres, alphabet? Qui c'est qui parle, là? Elle est partie, là, on l'a virée déjà. Non, non, mais moi, je voudrais que vous donniez vos noms, là. Il reste Jean-Christophe et Hugo Frey. Bah, c'est pas moi, regarde ma voix, Jean-Christophe, tranquille, je suis... Hé, GG. Oui. C'est Véronique. Tu peux nous réciter l'alphabet sur un fond de musique? Non. Bah, Chantal Goya, vas-y. Qui c'est ça? Bah, il a rien dit, il a dit Chantal Goya. Non, non, mais attends. Hey. Ils ont rien dit. Non, attendez. Il y a un chiffre qui dit, Gérard, il faudrait déjà que tu lises l'alphabet pour comprendre la question. Il y a un chiffre qui dit sur Minitel qu'il faudrait déjà que tu lises l'alphabet pour comprendre la question. Gérard, tu peux nous réciter l'alphabet? Ouais, Gérard. Non, récite-nous l'alphabet. Gérard. Viens, Gérard, allez. L'alphabet. Allez, je t'aide. Non, t'as donné un peu, toi. L'alphabet. Non. Allez, GG. Non, vous répondez à la question. L'alphabet. Tu récites l'alphabet, on dit rien. Oh non, mais attendez, si vous voulez pas répondre là. Si c'est l'alphabet, on raccroche. Ah bah non. Si vous voulez pas répondre, vous dégagez. L'alphabet. Moi, je veux bien répondre. Qui, toi? Jean-Christophe. Vas-y. Ouais, donc, je pense qu'il faut quand même apprendre son alphabet. Gérard. Hugo Frey. Hugo Frey! Ah, tu travailles? Ouais, mais non, mais attends, j'étais en antenne. Ouais, c'est ça. Donc l'alphabet, c'est important pour écrire des lettres. Enfin, des mots, quoi, faire des mots dans des phrases. C'est Mandarine, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu sais qui a écrit l'alphabet? Non. Certainement pas Gérard, mais bon. Bon, qui c'est celui-là? C'est Jean-Christophe. Alors, on accueille, attendez. On accueille Steven, membre des Rubettes. Ah, quand même. Et on accueille Petit Tonnerre. Salut, petit tonnerre, Gary. Ouais, bonsoir, salut. Gérard, bonsoir, en fait, c'est des malins au standard. Te laisse pas faire, Gérard, c'est des malins au standard. Allô, peu importe, c'est quoi la question? Non, je suis désolé, t'as un téléphone pourri, tu vas dégager. Eh, t'emmerdes mon téléphone, toi, allez, tu laisses la chasse, dégage. Allez. Bonsoir, Gérard. Qui c'est? Steven, un des membres des Roubaix. Merci beaucoup. Bonsoir, Tony, bonsoir, Arnette aussi. Non, pas du tout. Ah non, c'est membre des Roubaix. Attention, là, tout ça, là. Non. Qui c'est? Ouais, tu me le dégages, là, celui-là, là. Oui. Celui qui a un téléphone pourri. Celui qui a un téléphone pourri. Mais non, il est pas pourri, son téléphone, il a que ça, il est pauvre, on n'y peut rien. Il y a plus riche qu'on le droit d'appeler dans tes dégâts. Ouais, Steven, on t'écoute. On t'écoute, Steven. Alors, je parle un peu français, je suis de Londres, je suis Steven des Roubaix. Ouais, vas-y. Ouais, bah, précise ton nom. Alors d'abord bonsoir à tous. Alors bon, moi je veux parler de l'écouteau. Moi je trouve que c'est important de la voix de l'écriture. Et because l'écriture permet d'écrire aux gens. Ça permet surtout d'écrire. D'accord. Ok. Hugo Frey. Hugo Frey, s'il te plaît. Non, l'écriture, c'est très important. Bon, ben, c'est bon, Steven. Thank you. C'est bon, Hugo Frey. Il y a Savannah qui est d'accord pour t'apprendre l'alphabet sur ses seins. Hugo Frey. Yeah, hello. Donc, merde. Bonsoir, Steven. Quand je pose la question, ils répondent à la question, d'accord? Bah ouais, c'est normal. Ok, j'ai pas entendu, je parlais pas dans ton micro. Parce que l'écriture à Londres, elle est pas la même que la Paris, hein. Déjà, il y a combien de lettres dans l'écriture, dans l'alphabet à Londres? Il doit y en avoir 29, je crois, 3 de plus que la Paris. Gérard, en France, il y en a combien? J'en sais rien. Ah bah pour lui, il doit y avoir 3 lettres, hein, je veux dire. Steven? Yes. Tu connais l'alphabet en anglais? Mais c'est qui pose cette question? Il est sous anglais, alors je parle, bien sûr, je parle l'anglais. J'aimerais changer de nom parce que Gaufret, ça fait un peu ringard. Moi, j'ai l'impression que Steven, c'est pas un vrai américain. Bon, petit tonnerre, tu dégages. Non, mais c'est ce que je pense. Petit tonnerre, tu dégages. Je suis pas américain, je suis anglais. Et ouais, mais précise ton nom. Steven de Roubaix. Ouais, très bien. Mais moi, j'ai pas l'impression que tu as 13 ans, tu dois avoir dans les 13 ans et demi, 14 ans, non? Ouais, mais peu importe. Petit tonnerre, tu dégages. Ouais, mais Gérard, je t'ai dit, je t'aime pas. Tu dégages. Bon, putain, et moi j'arrête, c'est pas la peine de continuer. Non, dégage, ouais, non. Ouais, vous le dégagez pour de bon, ce coup-là. Mais non, reste avec nous. Mais non, Gégé, on veut que toi. Il y a Chewbacca sur Minitel qui demande à Gérard quel est son style d'écriture. Vous, j'en sais rien. Et c'est plutôt gothique. Essayez d'être un peu plus intéressant sur Minitel. Ouais, bah c'est bien, ils sont pas contents, ils ont qu'à envoyer les thèmes de débat. Ouais. C'est Véronique. Ouais. Tu peux nous réciter l'alphabet en chantonnant? Véronique, tu commences à me faire chier. Mais non, mais arrête. Ah, merci. Il connaît même pas, il va pas plus loin que D, laisse-le tranquille. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Bon alors, Véronique, tu dégages. Hop. Véronique, Véronique, dehors. Parce elle m'énerve. Ouais, salut. Petit tonnerre dehors. Il est là, petit tonnerre. Non, je viens de la voir. Ah, mais là, c'est petit. Eh, mais petit tonnerre, laisse-le parler à Fielder. Pour une fois que Fielder, il est pas idiot. Non, mais moi, j'en veux pas. Petit tonnerre. Ouais. C'est petit foudre à l'appareil. Ouais, mais il y a un pote à moi qui voulait te parler. Il s'appelle. Tu sais. Oh, oh, vous fermez, vous écrasez. Petit tonnerre, t'appelles d'où, toi? Il y a Sandy qui laisse sur Minitel. J'appelle pas loin, à côté de. Tu sais, à côté des tentes. Les petites tentes nord, là. Ouais. Tu connais le ballon? Eh oh! Ouais, c'est très bien, Zéré, toi aussi avec moi? Ou tu as envie de te branler avec le micro? Tu fais quoi samedi? Ça te regarde pas, ça. Tu te viens pas, on fait du basket? Ouais, mais pas avec Gérard, hein. Bon alors, tu dégages, petit. Ouais. Oh, vous me dégagez, petit. Mais arrêtez de te. Mais c'est pas parce que tu. Putain, mais il sort d'où celui-là? Il y a Sandy sur Mitel qui dit monsieur madame Manjoui ont un fils, comment s'appelle-t-il? Oh, Gérard Manjoui. Mais t'es bidon à la pro. Allez, Gérard, la troisième question s'il te plaît. Je sens que tout à l'heure je vais arrêter à la quatrième, ça va aller très vite ce soir. Attends, hein. Tu sais que compter jusqu'à 4, alors ça t'arrange. Gérard, tu dégages. Pour calmer les esprits, on accueille Richard Flederman. Bonsoir. Non mais attends, les mecs ils vont tous passer, ils vont tous prendre des noms bidons. Ah Richard, pas mal. Salut c'est petite foudre à l'appareil. Salut petit foudre, je vais te proposer une sainte. Non mais Olivier, c'est quand tu veux, hein, tu mets un. Pauvre con, allez moi je. J'aime beaucoup ce que tu fais, Richard. Oui, tu sais. Max, je suis au Camerie, c'est pas moi qui l'a fait. Ah bon. Moi aussi, je t'aime bien. Bon, tu me l'es. Mais qu'est-ce que je fais avec les auditeurs? S'il n'y a plus d'auditeurs, c'est plus de débat. Eh, je sais quand est-ce que tu poses tes questions, bordel. Attends, toi, tu vas déjà t'écraser. Ouais, en plus, on t'entend mal, t'as un téléphone portable sur tous nos standards. Non, toi, petit tonnerre, c'est toi qui dégages. Mais je t'ai dit, je t'aime bien, finalement. Bon, tu dégages. Mais je t'aime bien, je te trouve. Tu dégages. Si, je t'ai vu. Tu dégages. Bon, vous lui raccrochonnez pour de bon. Non, non, pas d'avoir ça. Je veux pas que ça là, le dégage. Tellement de bites que moi, au moins de petit effort, tu transpires du sperme. B comme bite dans la loco, ça fait déjà une lettre. Alors moi, Ouais, mais dérivez, faut pas dériver. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoute. Max, s'il te plaît, tu reviens. Alain Farmer, à l'appareil, le mari de Mylène. Moi, j'arrête. Ah, c'est le mari de Mylène Farmer quand même. Ouais. Ça rigole pas. Non, mais Gérard, t'as des stars dans tes débats et tu fais le con, là. Non, non, non, non, pour l'instant, c'est vous qui faites. Vous ne savez pas gérer un standard. Quoi. Oui, comme par hasard, comme d'habitude. Monsieur Ferme. Oui, bonjour, oui. Monsieur Farmer. Monsieur Farmer, à l'appareil. Monsieur Farmer. Alain Farmer. Oui. Max. On vous appelle. Max. Bah, j'arrive. Max, s'il te plaît. Non, c'est que j'ai pas compris. Oh, non. Ouais. Bon, Gérard. Lui, ouais, et puis rien, il est en train de se branler avec le micro. Quand on leur demande quelque chose, ils veulent rien foutre, moi j'arrête, je rentre chez moi. Dites-moi, monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Toi, tu dégages. C'est Alain Farmer. Tu dégages, monde en antenne. Ça commence à bien faire. Bon, réunion, Fildard. Fildard, réunion. Fildard. Ça commence à bien faire, ça fait trois fois que c'est la merde. Je peux pas être au téléphone et faire une réunion. Non. Ça fait trois fois que c'est le bordel, j'arrête et c'est terminé. Maintenant, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, là? Non, tant pis, il est 3h03 du matin, c'est tout. D'abord, ça merde quand tu leur demandes quelque chose de virer quelqu'un. En plus, j'ai entendu un peu tout à l'heure quand on demande de virer quelqu'un, Fildar et Manu, putain, écoutez, au moins Gérard, c'est lui le chef. L'autre, il est en train de se branler avec le micro, tu vois. Tu lui demandes quelque chose, il n'en a rien à foutre. Alors donc, ce mec. Eh ben, tu lui demandes de partir de la pro, il n'y a pas besoin de lui, tu t'en occupes toi-même. Ouais, non, mais c'est pas la peine de continuer comme ça. Tu devrais venir ici à ma place. Non, non, mais tu te démerdes, tu mets un disque, je m'en prends pas qu'après. Bah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Déjà, moi. Ça porte bien. Non. Ça porte bien. Temps, on a pris trop de trucs. En fait. Ça porte bien, ta petite honneur, tu arrêtais pas de dire des conneries, ou Gonfray, l'autre. Monsieur Farmer. Non, mais attends, Véronique, elle se fait passer pour un autre nom. Hein. Elle était déjà dans le premier débat, ouais. Elle se fait passer pour un autre nom. Vous changez, là, il y a des gens. Okay. Ils bossent au moins au standard ou non, pas. Non, même pas, ils prennent personne. Alors, donc, on met un disque et puis on terminé. Allez. Bon alors mets un disque, on se relaxe et on se retrouve juste après. Alors vas-y. Voilà. Parce que là, fait l'intro quand même, Fun Radio, ça le débat. Alors si vous voulez nous 08 5000 et 0875000. Non parce que là vous abusez, vous en faites deux trop les mecs. Quand on vous demande de bosser un peu, merde. En plus il y a plein d'appels, pourquoi vous les prenez pas? Non. Personne. T'arrêtes, j'ai écouté tout à l'heure les mecs qui se font plaire, les mecs des roubettes, le petit tonnerre, machin, comment ils passent par ça-dessus. Mais je sais pas, c'est pas, je vous demande de les virer, vous les virez pas. Ouais. Oui, c'est ça, mon portable est pour con. Non mais attendez, parce que là, regarde, les appels, là, les mecs, ça sert à rien. Ça sonne, mais ils veulent tous parler à Christine. Non mais, oh là là là là là là. Non mais Gérard, il n'y a pas de problème pourtant. Je ne pas ce menu, tu vois, avec. De quoi? Ils veulent passer au débat, réponds-leur, ils sont pas moyens. Je fais mon boulot. Je suis pas payé au standard. Bah maintenant plus. Mais non, tiens. T'es payé à quoi foutre? Non mais t'es payé à faire ça, l'autre c'est pas son boulot, c'est l'animateur, c'est les débats de GG, c'est pas les débats de Manu. Regarde Gérard, moi je travaille, regarde je prends des appels. Il veut participer donc tu vois. On va parler à Gérard? Non, personne ne parle. C'est des mecs qui veulent réagir sur le débat ou tu veux faire un débat sur ça? Toi-même, t'es pas sympa, t'es agressif avec les gens, Gérard. Allô? Oh là là, non, il est en conscience. On parle pas des parents. Allô? Non, mais arrête avec les cotons. Oh là là là là là là! Allô? Sur Minitel, il y a encore Sandy qui a dit. Et il y a Sandy qui a dit. Gérard, tu chies, tiens. Sur Minitel, il y a Sandy qui dit qu'elle achète ta boîte de coton-tige pour ce soir. Arrêtez tu commandes. Oh là là. Me percer avec ça. Il y a pas de chiottes. Arrêtez. Le Ricard, le whisky, d'accord. Non mais c'est chiant. Ouais, maintenant on vous met vraiment le disque en entier, c'est parti. Débat de Gérard. Et donc c'est toujours la suite des débats du jeudi, donc si vous voulez continuer de nous appeler, s'il vous plaît, les filles, réveillez-vous, j'ai besoin de plus de piques que de mecs au standard qui puissent réagir sur l'écriture, ça me fait bien plaisir, et sur Minitel aussi, donc les numéros c'est 0803 08 5000 et 0870 0803 08 5000 et 0870 5000. 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Là, sur Minitel, il n'y a que deux connectés. Et soi-disant, une dénommée Sandy qui me connaît, moi je te ne connais pas. Donc tu vas arrêter. Non, et puis sur Minitel, il faut laisser des messages qui sont avec le débat. Il faut arrêter de se plaindre qu'on n'y pas vos messages parce que sinon, ça sert à rien. Quoi. Voilà. Donc il est 3h12 et je voudrais bien que vous vous réveillez un petit peu. Donc on va accueillir Amandine. On parle pas de Christine, du pont de l'Alma, tout ça, parce que c'est pas bien. Ouais, parce que là, ça commence à me prendre la tête. Et ni de. Sandy, ni des chats de la loco, ni du coton-tige, tout ça. Voilà. Donc on accueille Amandine. Bonsoir Gérard, je ne parlerai pas de tout ça, c'est promis. Ok, Céline. Bonsoir. Bonsoir, réveille-toi s'il te plaît, parle bonsoir. Plus. Bonsoir Gérard. Bonsoir. On n'entend pas là. Hein. 10 à 11. Oui, bonsoir. Bonsoir, et Jean-Luc, excuse-moi. Oui, bonsoir, déjà je voudrais dire que la dernière fois quand il y avait Jean-Luc, c'était pas moi, donc hein, merci. On accueille, okay, d'accord. Confucius en plus. Et Mylène. Confucius et Mylène. Salut. Mylène. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et Confucius. Oui, bonsoir. Le grand sage. Ou tu peux m'appeler Clarinette, hein, c'est comme tu veux. Tu commences pas, s'il te plaît, parce que je vais pas m'amuser sans arrêt à vouloir arrêter, ok? Je te laisse le choix, Clarinette ou Confucius. Bon, bah, tu as déjà commencé par te calmer. Je suis calme, rassure-toi. Bon, alors, faut-il prendre l'alphabet? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça y est. Salut. Bonsoir. Salut. Bon, ça y est. Hi. Oh, vous vous calmez là. On peut peut-être dire bonjour Romain Castor. Bonjour. Bonjour les filles. Salut. Bonjour. Salut Gérard. Il faut que je dise bonsoir à chaque fois non plus. Il me nomme Patrice. Amen. Salut Gérard. Bon, ça y est, Confucius. T'as fini ton cinéma? Moi, je suis pas baigneur, attention. Hein. Alors, je te demande si t'as fini ton cinéma. Tu réponds, je ne suis pas baigneur. Parce que tout à l'heure, si t'arrêtes pas, tu vas pas rester longtemps, toi. Allez, vas-y, Covadis. Attendez, excusez-moi deux secondes. On a accueilli aussi Cure-Dent. Et Cure-Dent. Et Coton-Tige. Allez, cure-dent. Oh, attends, qui c'est qui vient de sortir ça? Je crois que c'est une nana, mais je suis pas sûr. C'est une nana que j'ai entendu. Ouais, moi aussi. Non, c'est un mec qui a pris la voix d'une nana. Non. C'était une nana. C'est une nana qui a dit ça. C'est qui a sorti ça? C'est pas moi. Bah, c'est une nana, faut la jarter. Réponse à l'aide, faut la jarter. Oh, grand sage. Allez soyez polis un peu avec les filles de temps en temps. Ouais, je sais qui ça, c'est Mylène. C'est bon, je la jarte, c'est Mylène. Alors, on y va dans le débat, on commence. Ouais, vas-y, ta question. Il y a encore Hanson, voilà. Hanson. On peut y aller? Gérard. Salut, Gérard. Celui qui s'est mis à chanter tout à l'heure, ça va éclater. Non, mais Gérard, veux-tu le prendre? Tu réponds, bonjour. Silence. Voilà, je les ai coupés, pose ta question. Donc, faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Maintenant, ils vont répondre. Et... On n'a pas répondu. Putain. Non, on a déjà répondu. Alors, au pied de la lettre, c'est amusant quand même pour l'alphabet. Hein. Allez, on récite tous l'alphabet en même temps. Je pourrais. Et comment ça se fait que c'est encore à peu près les mêmes voix de nana qu'on a eu tout à l'heure? C'est scandaleux, c'est les nanas qui. Manu et Hilda, vous les connaissez, putain. Quand je pose la question, c'est bizarre, les nanas me disent on a déjà répondu, donc apparemment c'est encore là. Ouais, elles ont peut-être répondu chez elles. Ouais, mais Steven, précise ton nom. Tu vas pas, GG? J'écoute. Il y a Anguille sous charité, là. Ah, il y a Louise Figio sur Minitel qui vient d'arriver. Ça y est, Gégé, j'emménage chez toi. Quand tu arriveras, sois gentil. Amène des croissants et fais pas de bruit pour pas réveiller Sandy, car je l'ai épuisé, on a baisé toute la nuit. Eh ben, alors, quoi, mon pote, tu aurais pu être foutre. Sandy, c'est une salope. Alors, tu dégages, toi, pétasse. Allez, hop, la pétasse qui vient de dire Sandy, je crois qu'elle parlait pas de la tienne. Non, presque pas. Faut pas prendre les gens pour des cons. Ça peut être sa sœur, une amie à elle. Ouais. Non, mais elle a pas précisé. Non, parce que, oui. C'est la salope qui m'a pris la mec. Bon, est-ce qu'on peut poser les questions, là, parce que ça traîne ton débat, là. Donc, la quatrième... Elle a picolé ou quoi? Non, si t'es pas content, tu dégages. Il est bourré. Moi, je réponds. Qui? Cécile. Vas-y. Ouais, il faut apprendre la salope et de la lettre pour savoir écrire. N'importe quoi. Attends, Cécile. Donc, celui qui vient de dire n'importe quoi, c'est comment ton nom? Confucius. Confucius. Ouais, ou clarinette, on sait, ouais, mais de toute façon, ils font n'importe quoi. Mais je n'ai pas répondu encore depuis le début, hein. Bah alors, tu réponds. Parce que je me fais chier depuis 5 minutes, mais j'aimerais bien. Tu réponds. Bon, alors, la question c'est. La question c'est que tu redégages au standard. Bah voilà, tu sais même pas la question, clarinette. Je vais répondre à la question de Gérard. Tu vires. Je réponds à la question de Gérard qui est sur tous nos standards, je lui réponds non. Bah ouais, c'est pas ça la question. Bah non, c'est pas une question ça. Si, moi je te dis que si. Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Bon, tout d'abord, bon, je tenais à me présenter parce que je m'appelle Confucius, c'est pour gagner l'anonymat. Non, mais ça y est, on t'a reconnu, de toute façon. Je suis Arnette. Bon, qui c'est celui qui fait la voix de mec, là? La voix d'un gamin? On dirait, c'est marrant, on dirait l'alligator. C'est qui, là? C'est qui, là? Cyril l'alligator, on dirait. C'est qui, là, celui-là? L'alligator. C'est l'alligator. C'est un différent de femme. Allez, tu dégages. Luc. Ouais. Voilà. Donc, Confucius. Oui. Donc, si tu veux répondre, réponds. Oui, je veux bien. Alors, vas-y. Alors, bon, je suis professeur d'arithmétique, ce qui va sûrement vous aider. D'arithmétique. Oui. D'arithmétique, pardon. Oui. Bon, moi, je pense que prendre l'alphabet au pied de la lettre, c'est plutôt important de le prendre plutôt au bouche de la lettre. Parce que pied de la lettre. L'alphabet ne démarre pas par le pied, il démarre directement dans la bouche. Ouais, mais à l'épaule aussi, il y a l'épaule qui joue un rôle quand même important. Non. Tu sais qui parle par-dessus, là? Non mais là c'est un débat donc s'ils veulent intervenir. Non mais qu'il donne son nom quand il parle. Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. Pardon. Donc moi dans mon écriture, c'est très important. L'écriture se divise en deux trois parties. Très succinctes les unes aux autres que je vais diviser en 24 parties. Ouais, alors, okay. Non mais Confucius, c'est pas le thème du. Laisse-le aller au fond de la pensée, vas-y. Oui, grand un, petit A. Disons que le pied de la lettre, c'est intéressant comme question, Gérard, je vous trouve très sympathique d'ailleurs au demeurant. Ça dépend quelle lettre quand même. Voilà. Alors quand vous dites au pied de la lettre, c'est quelle lettre? Ouais. N'importe. Alors bon, moi je vais prendre comme exemple la lettre à Élise. On a eu la chance d'avoir Kederman tout à l'heure. Chanson au pied de la lettre, bien entendu, dans l'ambiguïté des gens qui donneraient la possibilité. Oui. Je pense que la lettre naquit en 1432. Attends, voilà. Bon, bah, ça y est, c'est bon, Confucius, parce que t'as. Non, allez, tu vas. En parlant de la lettre à Élise, est-ce qu'on pourrait pas dire que prendre la lettre à Élise. Eh, prends la lettre, tu le vires. D'où les pianos à pied, d'ailleurs. Attendez, je n'ai même pas le temps de terminer mon. C'est bon, là. Non, que t'arrives. J'ai même pas le temps de terminer ma prothèse, ma tête. Non, allez. Oh. Attends, Manu, j'ai. Ah, merde. Bah, mets-moi là en air. Mets-moi le en ce que tu veux là, moi je vois plus de l'entendre. Là. Non, mais Gérard, c'est vrai, je laisse même pas parler. Allez, c'est non, Gérard, je crois que Confucius a soulevé une idée importante. Non, non, non, mais c'est bon, Confucius, on accueille. Oui. On accueille Carla. Carla, bonsoir. Putain. Bonsoir, Carla. Bonsoir. Salut, Cochonne. Salut, Carla. T'es qui, toi? Moi, je suis Barbara. Bon. Préférez-vous le R majuscule ou le R de rien? Ou le R de rien? Ou le R de rien? Merci Confucius. Gérard, qui a rédigé les questions, Gérard? C'est pas lui, hein? Confucius, tu t'écrases, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as gerbé pour de bon. Qui a rédigé les bon, allez hop, celui qui s'amuse à dire qu'il est con, allez hop, maintenant tu me le vires. La pistache sur métal qui dit Christine l'a appelé, elle te rappelle de ramener les croissants et les crocs. Christine, tu préférais ton petit R à toi? Tu me vires, Confucius. J'ai. Ok. Mais j'ai rien dit, hein. Je veux pas le savoir. Tu dégages. Tu dégages, Confucius. Oh putain, mais c'est pas vrai. Merci. Bonne nuit. Comme ça. C'est comme ça. C'est vraiment une classe, ce mec. T'as la haine, Confucius. Ouais. GG. Oui. Je peux te demander un truc. Vas-y. Est-ce qu'on peut laisser Confucius nous donner l'origine de l'écriture? Non. Tout à l'heure, ça nous intéresse. Ça nous intéresse pas, c'est Confucius. Non, mais de toute façon, il est parti, Confucius, donc on va continuer le débat. Gérard, vas-y, attaque. Ah, d'accord. Et tu gères un peu, Gérard. Okay. Ouais, c'est mauvais. Alors, Amandine. Écoute-moi, la friture, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mmh. Je trouve que ça sent mauvais dans les escaliers. Mmh. Et j'ai pas noté les références du truc qui passe à la télé, dans la pub, là, pour que ça sente plus mauvais dans les escaliers, la friture. Bon, ok, alors, okay, eh ben, c'est bien, Amandine. Ouais, j'ai envie que Manu me calme au rantaine. Allez, hop. tu la dégages complètement, tu la calmes même pas, tu la vires. Si on va perdre du débat, bon, bah, de manière. En pleine crise, là. Allez, Cécile. Allez. Oui. Tu réponds à la question? Donc, Confucius, tu me disais quoi? Ouais, parce qu'en fin de compte, moi, je suis pas Confucius, je suis chaperon rouge. Ah, okay. Chaperon rouge? Ah. Ouais. Et vous êtes sur l'antenne, c'est tout. Tu me passes pas à l'antenne, hein? Non, t'es en antenne. Et tu diras à Gérard que je suis en train de lui préparer un truc chez lui, là, que je vais venir chez lui avec des copains. Mm-hmm. Et que même s'il prévient les flics et tout, de toute façon, je vais mettre. Attends, numéro, j'ai mis son numéro de. Le numéro de sa copine Sandy sur l'internet. Mm-hmm. Je suis à l'antenne là ou pas, non? Non, t'es au standard. Pas trop fort. Et tu me passeras Phil là, parce qu'avec Phil Dard, c'est avec lui que j'ai préparé un truc, ça fait 15 jours là. Ah, ok. Donc c'est avec Phil Dard. Ouais. Ok. Tu peux me le passer parce que je suis en train de. Oui, bah pas de problème, c'est lui qui t'a donné l'adresse de GG, c'est ça le numéro de portable? Non, c'est moi qui l'ai donné, mais je lui avais dit qu'on avait préparé un truc sur internet. Et tu sais, chapeau rouge, là, dis-lui que je suis chapeau rouge qui me passe le mot. Ok, Phil Dard. Mais je suis tout seul, moi. Il faut faire croire à Gérard et tout. Ouais, mais t'inquiète pas, de toute façon. Tu peux me passer sur l'antenne ou pas? Ouais. Hein, tu me donnes un faux nom, t'as quand même donné. C'est pas, tu m'as fait appeler Raclette. Ok, bon, on t'appelle Raclette, ok. Ok. Bon, on y va, tu bouges pas. Ok, ça roule. Ah, sur Minitel, il y a. C'était Gérard, je suis avec Sandy dans ma chambre et elle me demande de me foutre des cotons-tiges dans le cul, ça lui rappelle des bons souvenirs. N'importe quoi. Bon, Gérard, on accueille Raclette. Ouais. Pose ta nouvelle question, c'est parti. Bonjour Raclette. Salut Raclette. Salut. Bonsoir tout le monde. Salut Raclette. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Salut Raclette. Salut. Donc, alors, on a normalement Cécile. Oui. On a Byzange. Oui, c'est Byzance. Ah, Byzance, pardon, excuse-moi de d'écorcher ton nom. Oui. On a Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Carla. Jean-Luc. Et Raclette. Jean-Luc, il y a l'air. Et Barbara. Qu'est-ce que, et Barbara. Qu'est-ce que c'est que allô Barbara, là? Mais non, mais c'est... Jean-Luc, ah, mais c'est bon, on ça. Et Cure-Dent. Mylène. Allô. Ah, Mais t'inquiète pas, on a 8 lignes maintenant, on a fait des travaux. Ouais, ouais, ouais, refaites-moi une liste. Je te jure. Analphabète. Bon alors, oui, c'est qui? C'est Amandine. Ouais. Tu m'as toujours pas viré. Moi, je t'avais dit que je voulais que Manu me calme hors antenne et je suis toujours pas calmée. Là, ça va pas du tout. Hein. Eh ben, Fildar, il va te calmer hors antenne, d'accord? Ok, ouais. Ouais. Ouais. C'est rare la question, c'était quoi ce truc? Il va te caresser l'arrêt des fesses, tu vois, ça te fera du bien. Tu sais qui vient de dire ça? Non, mais vous êtes prié de donner les noms quand vous dites des saloperies. Bernard. Gérard, j'ai pas encore répondu. Pose une question. Jean-Claude. Oui, pose une question, s'il te plaît. Ouais, c'est Raclette, là, tu peux répondre. Vas-y, Raclette. Raclette, il aimerait repasser aux antennes, il voudrait dire un truc à Fildar, c'est possible? Ouais. Fildar, il va te toucher l'arrêt des fesses aussi, fais gaffe. Hein. Ok, on va te passer. Donc, faut que j'admette Amandine. Ok. Allô, Raclette. Ouais. Ouais, t'es en antenne. Ouais, c'est Max, là. Ouais. Il est là, Max? Mais non, il est pas là. Tu peux pas me le passer? Je sais pas où il est, Raclette. Faut pas que tu lui dises non plus, parce que... Non, non, mais qu'est-ce que tu veux, Raclette? C'est pour dire que on va lui préparer un truc vendredi à la loco. Ah bon, quoi? Des affiches où ils sont enculés dans les chiottes de la loco, on va mettre des affiches partout. Non, mais c'est chiant, Raclette, change un peu, c'est toujours la même chose. Enfin, je sais pas, tu peux faire un autre truc, quoi, où il se peut être la queue. Il y a le mec de Belgique qui m'a appelé aussi, qui fait les vidéos. Fesse de babouin? Ouais, il demande si c'est possible d'avoir que vous pouvez me donner des images de Fun TV, comme ça on fait des cassettes. Ah, pas de problème. C'est vrai? On va t'envoyer ça, ouais, on va. Parce qu'on les vend et vous pouvez vous faire de l'argent aussi. Ouais, ok, pas de problème. Voilà. Bon, bah ça marche. Dites rien à Gérard, hein, vous. Non, t'inquiète. Je vous donnerai mon adresse. Ok, bon, on te refoue à l'antenne. Ouais. Merci. Donc, vous avez calmé Amandine? Ouais, ouais. Ouais, ça y est, je suis calmée, ça m'a fait beaucoup de bien, merci Gérard. Ok, donc, Cécile? Oui? Lisange? Je veux poser ta question, s'il te plaît. Ouais, mais permettez que je reprenne tout ce qu'il y a maintenant. Ouais, on peut avancer un peu dans le débat, putain. Qui c'est qui dit ça? Bernard. Je sens que ça va virer vite fait, là, j'ai l'impression. Byzance. Oui. Donc toujours là, Raclette. Oui, mais moi je vais y aller, moi. Bernard. Comment? Quoi? J'ai cru mal entendre ce que vous venez de dire. Ouais, il a dit ta mère. Mais qui c'est qui dit... Olivier, s'il te plaît, tu me coupes pas le son de mon casque pour savoir qui c'est qui s'amuse à dire ça. Non, mais c'est pas possible. C'est Raclette, je vais vous laisser, là. Salut, Raclette. Salut, Raclette. Le... Au revoir, Raclette. Il peut pas parler. Bonne nuit. Cure-Dent. Bonne nuit. Cure-Dent. Ouais. Tu te réveilles? Réveille. Carla. Oui, Gérard. Olivier, ouais, peux pas chier avec tes doubles voix et tu réponds pas à ma place. Carla. Oui, je viens de te dire. Jean-Luc. Jean-Luc. Et Mylène. Jean-Luc. Bon, et Olivier, tu commences à me faire chier, toi. D'accord? Mais ça va. Bon. Gérard. Oui. C'est Barbara. Oui. Je t'écoute. Oui. Est-ce que tu pourrais poser une question, là? Parce que je trouve que le débat, bien, c'est pas trop. Non, mais il y a que des réponses. Oui. T'as envie qu'on te touche l'arrêt des fesses, toi aussi, là. Oui, mais... Écrivez-vous avec des mauvais caractères. Olivier, tu fermes ta gueule! Maintenant! Oui. Maintenant. Gérard, tu me fais peur quand tu cries. Ouais, Gérard, tu me fais peur, là. Quand t'as essayé de l'ouvrir. Gérard, tu m'excites quand tu cries. Ah, elle a envie qu'on lui touche l'arrêt des fesses, putain. Exactement. Ah, rien, c'est cool. Gérard, c'était quoi ta question? Écrivez-vous avec. Non, Olivia, s'il te plaît, t'arrêtes maintenant. Pose en criant, ça m'excite. Tu te calmes un peu maintenant. Ouais, ça commence à gripper, là. Ah, tu voulais me dire un autre truc, Raclette. Attends, vas-y, tu peux parler, là, vas-y. Ouais, c'est Chaperon. Allô? Ouais, je suis là. C'est Chaperon Rouge. Ouais, je sais, mais t'es en antenne, vas-y. Ouais, tu sais, quand dernier truc, là, tu dis pas genre, mais comme j'ai le numéro de Sandy, ouais, je l'ai appelé, là, parce qu'apparemment, elle m'a dit qu'elle avait eu un problème. Ouais. Et que normalement, j'ai un rencard avec. C'est vrai? Je devrais l'avoir, ouais. Comme ça, je vais récupérer plein de trucs sur GG. Et tu la vois quand? Je sais pas, faut que je la rappelle, elle m'a dit. Et t'as eu les infos par qui? Pardon? T'as eu les infos par qui? C'est elle qui me l'a dit. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Elle m'a dit. Mais c'est quoi, c'est sérieux entre vous ou c'est seulement... Non, mais je la connais pas, hein, mais je l'ai au téléphone et tout. Je sais qu'elle est avec Gérard, mais je suis sûr qu'on va la voir avec des copains, avec les mecs de Belgique. On va la filmer, puis on va faire ça de la vidéo. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai un copain qui est à Suresnes et tout. C'est le mec qui met, c'est un pote à moi qui met les affiches comme quoi il veut prendre la boîte aux lettres. Ah oui. Il a dit qu'il les avait surpris, il les avait trouvés tous les deux et qu'il va prendre des photos. Ah ouais, comme voici quoi. Ouais, non mais on va peut-être les donner dans un magazine. Et tu veux te la faire samedi? Non, mais je m'en fous. De toute façon, elle est conne, elle est laide. Ah oui. Ouais, mais faut pas lui dire, hein, Gérard. Ouais, non, mais je vais dire. Et vendredi, t'as la loco? Ouais, avec Max et tout ça. Ouais, mais Gérard sera là aussi, tu peux. Bah, ouais, bah, il me connaît pas, il m'a jamais vu, mais moi je le vois à chaque fois. Et t'es comment? Hein? T'es comment? Je suis petit brun. Ouais. Je fais 1m67, 68. Ouais. C'est bon, j'enregistre. J'ai 19 ans. Ouais. Et tu seras habillé comment vendredi? Genre un t-shirt blanc avec un truc de un peu plus ou moins, un truc un peu Mickey et tout. Un Mickey sur moi. Ah ouais. Un t-shirt de Mickey. Ok, d'accord. Un truc de Walt Disney. Bon, comme ça, si tu veux, on pourra mettre ça au point vendredi. Donc, ouais, comme ça, je peux te repérer. Tout enregistré. Faut que je. Tu sais, Olivier de la Pro, là. Ouais, ouais. Tu pourras me le passer parce que je suis sûr que lui, il peut me faire des trucs. On peut faire des montages, des trucs de production. Ouais, mais attends, tu bouges pas, tiens, je te le passe. Je te passe le téléphone. Allô. Il y a toujours le débat. Salut, Olivier. Ouais, salut. Et vous mettez pas l'antenne? Non. Il y a le débat, là. Ouais. Bon, et faut pas faire trop bruit, je suis chaperon rouge. T'es chaperon rouge. Le mec qui fait ses Gérard avec des copains. Hey, petit con! En production. Hey, trop du tout. Tu vois, c'est con ce que tu viens de dire. Allô? Ouais, ouais. Hey, c'est con là ce que tu viens de dire. C'est Gérard, il vient de me piquer le téléphone, je prends rouge, je peux rien faire. Mais t'es pas en direct, t'es pas compte. Et tu vois, c'est... Oh putain! Oh, on a les preuves! Yes! Non! Hein? On a les preuves! Comment ça, non? Qu'est-ce qu'il y a, Olive? Écoute, bon. Hein? Ah ouais, mais on a toutes les preuves maintenant. Mais non, mais c'est pas enregistré, regarde. On a... Oh putain, mais Olivier, putain, merde. Oh non, merde, Olivier. C'est vraiment un gros bœuf. T'es un gros bœuf, Olivier. Putain, il est zéro, là, pour il est zéro. Putain, allez, dégage. Ouais, c'est bon. Non, vas-y, il y en a battu, là. Allez, dégage. Mais c'est pas la peine, on arrête. Non, Olivier, franchement, là, tu chies, quoi. Ah non. Oh, mais revenez. Non mais ils m'ont laissé tout seul. Revenez, oh. On est tout seul. On est là. C'est qui? J'ai oublié d'enregistrer. J'ai oublié. Il y avait un mec qui veut lancer tout à l'entrée. Où est-ce qu'il est parti? J'ai oublié. Bon, il reste qui là, exactement? Il reste Urdan. Amandine, Barbara, Hélène, Carla. Vous êtes tous à l'entrée. On est tous là. Voilà. Gérard est à la porte en train d'essayer de discuter avec Max. Allez, Mais il va revenir. Ah, c'est bon, les. Vous parlez tous les trois, vous me dites que vous êtes d'accord. Ouais, ouais. Bah, ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Il a rappelé. Il disait tout. J'ai pas écouté, qu'est-ce qu'il disait? Il balançait comme quoi il avait piraté le portable à Sandy et tout alors qu'il a pas son numéro. Si, il paraît qu'il l'a, mais sur l'internet, il va le mettre. Ouais, bah qu'il le met pas sur internet parce qu'il est là, c'est moi qui l'ai son portable. Donc qu'il s'amuse pas à ça. Si, mais tu mets la. On va essayer, on va essayer. Je vais écouter. Donc, on récupère Amandine, Céline, Bisange, Curdan, Carla, Jean-Luc, Mylène et Barbara. Ouais. Bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, écrivez... Mon nom, Olivier, s'il te plaît, tu commences pas, là. Putain, ça fait une demi-heure que j'attends. Donc, écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères. Donc, Barbara. Oui, mais à mon avis, ça dépend du caractère de chacun. Selon les caractères que tu prends, la phrase, elle change de sens. Ouais. Donc, regarde, avec des petits caractères, t'as des petites phrases. Avec des grands caractères, t'as des grandes phrases. Mm-hmm. Tu comprends ma théorie? D'accord. Mylène? Mylène? Salope. Mylène. Mylène, s'il te plaît. C'est salope. Oui? Tu réponds? Oui. Oh non, mais... Elle est à l'ouest, elle, hein. Qu'est-ce qu'elle a, Mylène, bordel? C'est n'importe quoi, ça. Mylène? Allô, Mylène? Non, mais elle fait autre chose en qu'est-ce même temps. Qu'est-ce que tu demandes, Mylène? GG. Ouais, Jean-Luc, alors vas-y. Mais Barbara, coupe ta radio. Elle fait autre chose en même temps. Bon, Jean-Luc. Coupe la radio. Jean-Luc. Présent. Bon, tu réponds, s'il te plaît. Bah, répondre à quoi? À la question. Excuse, il y a Manu qui m'a calmé en antenne, j'étais pas là. Ah, voilà, ça fait une demi-heure qu'on attend. Pour une fois que Manu fait son boulot, excuse, vas-y. Allô, allô. Allô. Gérard, c'est un petit chaperon rouge. Ouais, chaperon rouge, c'est fil d'art. Ouais, comment t'as eu mon numéro? Attends, on rappelle tous les gens quand ils passent à l'antenne. Ouais. Ouais, pourquoi t'as raccroché tout à l'heure? Parce que j'ai cru entendre Gérard. Ouais, heureusement. Mais je veux pas qu'il sache, moi. Mais non, mais attends, il m'a chopé le téléphone, je pouvais rien faire. Ouais, mais bon, faites gaffe quand même. Ouais, bon, moi je te repasse Olivier. Ouais. Et tu peux me faire un truc à la pro? Qu'est-ce que tu veux? T'enregistres là, si tu veux me faire un nouveau remix de Gérard. Ouais, bien sûr, ouais. Et comme ça, tu me le mets sur une cassette et puis moi, je fais des copies. Tu peux t'en faire un avec Sandy, ça m'intéresse. Non, je m'en fous d'elle pour l'instant. Ce soir, j'ai mis son numéro sur l'internet, alors, pour faire chez Gérard. Mmh. Tu me fais un remix. Mmh. Tu peux me le donner la semaine prochaine et puis moi, comme ça, je fais des cassettes et puis moi, je les vends 50 balles. Attends, puis toi, je te file 10 balles. Je peux te faire des lasers. Ouais, et puis moi, je te file 10 balles sur les lasers et puis moi, je les revends. Ouais. C'est ce que j'essaie pour les remix. Et puis, il y a le mec de la Belgique qui va faire une vidéo. Il va venir filmer, comme il va venir à la loco vendredi aussi peut-être, que ça, il viendra filmer Gérard et puis après on va voir. Ok, aucun problème. Voilà. Je te repasse celui-là. Ouais, donc chaperon rouge. Mais fais gaffe parce qu'il écoute. Hein. Enfin, tu vois, il se méfie d'un truc. Là, qu'il a... Tu parles, il comprend rien lui. Et sinon, je te passe le chaperon rouge. C'est toi, Camille Lemaire, de sa porte et... Non, ça c'est pas moi ça. C'est qui? C'est qui ça? C'est quelqu'un, mais je donnerai pas son nom. Ah, vas-y, tu peux non, aller. Non. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est une fille. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'accord. Bon, ça tient toujours pour la loco vendredi. Ouais, vendredi à la loco, je vais mettre des affiches. Et même si je mets pas d'affiches, de toute façon, je prépare des trucs. Ouais. Et je vais distribuer des tracts. Et dans la loco, peut-être, je vais voir. Ok, d'accord. Voilà. Et je serai habillé donc brun et tout avec un t-shirt. Voilà. Ok, bon, ça roule. D'accord. Tu peux, parce que j'ai eu. Jean-Henri, une fois, il m'avait donné son numéro, mais je l'ai perdu. Tu sais, c'est le copain de. Tu connais, c'est le copain de. J'ai le numéro de Gérard. C'est lui qui. C'est... Des fois, c'est Henri qui me donne des infos. C'est 0685. Ouais. Là. D'accord. Là. Combien? Non. Ouais. Ok. Bien. Ben, je vais le rappeler, ouais. Ok. Et tu dis à Gérard que vous, c'est pas moi, que c'est pas. Que chapeau rouge, c'est pas moi qui fais les bêtises. Bien sûr. Hein? Mais fais gaffe, quoi, parce que si jamais tu chopes, vu tout ce que t'as dit là, t'es mal. Hein. Et tu veux faire des trucs à la loco ou pas? Je sais pas ce que je vais faire. Je vais l'enregistrer, je vais essayer de le filmer en cachette. Ou en tous les cas, je vais mettre des tracks. Et puis si tu me fais le remix, et ben, comme ça, on pourra faire des clips. Parce qu'on a plein d'images de Funtillon, on a fait un clip de 4 minutes, on va le distribuer peut-être pour les chaînes de télé. C'est toi qui mets des saloperies devant la porte de chez Gérard? Non, c'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est qui? Tu n'as pas le nom. Vas-y, allez. Je connais le mec qui utilise sa boîte aux lettres, il va vraiment le faire, quoi. Et pas qu'il y en a plein qui vont le faire. C'est pas une grosse, la fille, qui met des merdes devant? Non. C'est pas Christine? Moi, je l'ai déjà appelé Christine, elle m'a dit qu'elle voulait faire des trucs sur lui. Non. Si. Elle voulait faire quoi? Elle m'a dit qu'elle pouvait me donner des informations sur lui, de comment il était et tout, pour que j'aille sur Internet. Comme elle disait qu'il est contentieux, il paraît que c'est pas vrai. Elle disait que c'était pour déconner, mais pareil qu'elle disait... C'était autre chose, non? Quoi? C'était autre chose, ça se mettait autre chose, non? Non, mais il disait qu'effectivement, il faisait pipi à côté, je lui disais déconner, elle me dit que c'est vrai, qu'il faisait pas sa vaisselle, et que c'était un porc, et qu'il changeait jamais, et qu'il sentait la transpiration, et qu'il était bourré tout le temps, et elle m'a demandé si c'était possible de le mettre sur l'Internet. Ah ouais? Ouais. Et tu vas le mettre, tout ça? Je vais voir, ouais, peut-être, ouais. Mais sinon, t'as des projets? C'est Christine qui m'a demandé. Ah bon? Ouais. Puis c'est quoi les projets, sinon? Elle dit qu'elle me fait des 100 balles, si je le mets. 100 balles? Ouais. Putain, attends, tu te fais arnaquer, là. Tu vas être riche? Ah, mais elle me paye en chèque, hein. Ah ouais, c'est bon, je suis en liquide. Ah bah c'est bon. Comme ça, je peux pas me faire avoir. Ah, ok. D'accord. Bon, bah, ce qu'on fait, tu passes plus à l'antenne, là? Non. Ok. Attends, sinon. Attends, Manu, je te passe Manu. Chaperon rouge? Ouais. Ouais, Tony, Ernest, Luigi et tout ça, ils sont avec toi ou pas? Je les connais, ouais. Tu les connais? Surtout Tony. Ok. Ouais. Tony et Ernest, c'est les deux que je connais le plus et ouais. Allez, c'est bon à savoir. Et Constant. Constant, c'est un enculé parce que lui, il dit toujours qu'il fait rien, mais c'est le plus c'est pire. Ouais. C'est lui qui a tout manigancé au début. Mais Tony, au début, il a fait plein de trucs avec David, Luigi, tout ça, ils étaient tous dedans. Ah ouais, il n'arrêtait pas de dire ouais. Il n'était pas méchant, mais il disait tout le temps ouais, on va venir devant la radio et tout. On va le repasser. Ouais. Je me demande si c'est pas Tony qui a fait que. Enfin, compte, il y a des films, mais je me demande si c'est pas Tony qui était venu une fois qui avait chié devant chez lui la première fois. Ah bon, tu crois? Ouais, je crois que c'est lui. T'as reconnu son quelqu'un? Ouais. Non, mais je sais parce qu'il me l'avait dit. Okay. Il m'avait dit que, ouais, qu'il avait demandé à l'alligator si c'était possible de venir filmer pour FunTV, mais que l'alligator, il a dit non. L'alligator? Ouais. C'est qui? C'est des mecs de Bordeaux. Ah bon? Et Max? Max, il t'a aidé là-dedans ou pas? Non. Il est au courant, Max? Non. J'ai voulu lui parler à l'eau, on a déjà parlé avec lui, mais il savait pas que c'était moi. D'accord. Christine, elle m'aurait chopé avec Gérard et m'aurait fait la fête. Mais tu veux me faire le remix, tu me l'envoies quand? Je te l'envoie dès demain. Il faut que je te donne mon adresse ou pas? Ouais, tu vas me filer ton adresse en antenne. D'accord. Ok. Bah, tu donnerais pas mon adresse à moi, je te donnerai une boîte aux lettres neutre, c'est des PTT où t'envoies et après j'ai récupéré mon courrier en cachette. Ah ouais, t'as raison. Une boîte aux lettres secrète où de toute façon tu peux pas dévoiler, même si t'as l'adresse, tu peux pas savoir où j'habite. Une boîte postale quoi. Ouais. Ok, ah. mais t'habites en France ou tu fais le passage? J'ai habité en Belgique avant. Je suis de province. Ah d'accord, tu viens de Belgique à la Tour. Je suis de Tours. T'es de Tours? Ah ouais. D'accord. Ouais, ok. Bon bah d'accord, bon bah je prends rouge. Je vous laissez là. Ok d'accord. Parce que si Gérard il entend et tout, s'il arrive et tout, je vous laisse. Eh ouais, mais trop tard mon pote. Je suis désolé, ça prend rouge, j'ai encore piqué le téléphone. Eh ouais, pauvre con. Ah putain. Eh ouais. Eh allez. Voilà, donc... Il s'est passé quoi, là? Non, c'est normal, on a voulu savoir quelque chose. Ouais, et... vous l'avez eu, ouais. Non, mais c'est bon, on a eu maintenant toutes les preuves. Donc, excusez-nous du petit problème. Non, là, mais c'est pas grave, c'est bien. Raconte-nous, Gégé, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que, ben... Oui, Gégé, on veut savoir. Ce qui s'est passé, c'est que, ben, ce fameux chaperon rouge, là, ben, on va... On va le coincer avec les policiers. Non, mais vous allez... Être méchant nous dans l'histoire. Non, mais on va vous remettre avant de continuer. Là, on va essayer de... C'est bon, Olive. Attends, je vais... Enregistrement, alors, Olive. On va essayer de vous le faire passer, donc... Vous allez... Ouais, ça a été enregistré. Bon. Gérard, on l'a bien baisé quand même, hein. Oulala. Là, on va s'amuser maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte? Tu vas aller voir les flics? Non, mais maintenant... Avec ça, tu peux, non. Mais Gérard, ça donne quoi d'avoir une bande? Tu sais toujours pas qui c'est? Mais il a donné son nom maintenant, ça y est. Il a dit un t-shirt Mickey, tout ça, machin. On va le choper à loco. Donc, c'est bon, Olivier? Alors, je sais pas où est-ce que ça semble d'être. Non, bah alors, vous allez... Donc, on revient. Aimez-vous, écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères et avant, on va vous faire écouter de tout ce qui s'est passé. Qui dit connard, enculé, ça, quand je te demande de le virer, tu cherches. Je suis pas midi à 14h. Voilà. Et Olivier qui va faire la pro. Oh bah on leur c'est quoi ça? On appelle Olivier. On va lui mettre les points sur les i avant qu'on gueule quand même. Avant. C'est la réunion. J'ai quoi? Pas de retour. Mais c'est débile. Moi dans le casque. À fond. Putain. J'ai presque pas de retour. Bah attends, c'est pas normal. Moi je m'entends très bien. Gérard, merde. Tu dis que c'est. Là, tu sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, comme par hasard. C'est pas la bonne idée. Attends, ça veut dire quoi ça? Non, regarde, ce coup-là. Alors là. Mais non, mais. Je sais pas ce qui s'est passé. Il se démerde tout seul, là, il nous énerve. Faut l'exager, tu reprends ton débat. Non, t'as qu'à faire le débat, Olivier. Non, mais attends, vas-y, prends ta question. Vas-y, hein, prends. Va la console, Gégé, va la console. Mais il me claque, Gégé. Le prochain disque, tu te vires, là, maintenant. Ah non, s'il te plaît, Gérard. Gégé, tu peux répondre? Bah non, c'est pas... Non, bah c'est pas grave, on va essayer de retrouver, on aura peut-être des autres cassettes, continue le débat. Ouais, mais je voulais finir les coups. Ça fait une heure que j'attends pour t'entendre raconter des conneries. Et Gérard, mets-lui une claque, Olivier. Bon, allez, on reprend donc. Alors, Amandine, Céline, Bizange, Cure-Dent, Carla, Jean-Luc, Mylène. Jean-Luc. Et Barbara. Salut, Jean-Luc. Et Barbara, donc, qui c'est qui veut répondre à la Jean-Luc, question? Moi. Merci, Olivier, question, encore. Merci, Olivier, merci, c'est sympa. Hein. Cécile. Bah tu peux préparer un disque. Hein. D'accord. Cécile parle. Oui, Cécile. Ça dépend des caractères. Bah c'est comme ce que Barbara a dit avant qu'on vous recoupe pour écouter ce que Chaperon Rouge disait. Les caractères, les gros, les petits, les grands, les toutes sortes, il y a toutes sortes de caractères. D'accord. Pour toi, Mylène. Mylène, s'il te plaît. Oui. Non, tu travailles. À mon avis, les caractères, c'est plutôt important pour ce que tu vas en faire. Mmh. Donc moi, comme elle disait avant, franchement, moi je préfère les gros caractères. C'est beaucoup mieux. Mmh. Parce que les petits, on peut pas faire grand chose avec. Non, mais les gros coléoptères, ils sont hyper dangereux. C'est à une époque, c'est eux qui dominaient le monde quand même. Oui, mais tu sais qui vient de parler là? Bernard. Non, il n'y a pas de Bernard. Bah, et moi? Bon, Jean-Luc. Non, normalement, j'ai un cure-dent. Ouais, je suis là. Et Jean-Luc? T'as qui, Gérard? Non, Jean-Luc, alors, pour toi? Il est où, ton cure-dent? Pour moi, je sais pas, t'as bon ou mauvais caractère, toi? Non, mais en écriture, ça parle pas de caractère physique. Tu sais pas écrire? En fait, ouais, c'est ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai appris dans la rue, quoi. J'ai jamais été à l'école, je sais pas écrire, quoi. Mm-hmm. Hé, j'ai une question. Bah attends, Céline. Donc c'est pas super marrant, quoi. Je sais pas si tu connais cette situation-là. Bon, tu sais, tu peux même pas lire les journaux, tu peux même pas lire les vitrines ni rien, c'est chiant, quoi. Moi, je suis un mec plutôt paumé, j'ai pas envie de foutre le blues à tout le monde, mais bon, ça va pas, quoi. Ok, Carla. Bah, Gérard, non, mais ça va pas. Non, Jean-Luc, s'il te plaît. Tu moi un peu, putain, merde. Putain. Mais c'est Carla. Ça va pas dans ma vie, moi, merde. Putain, Carla. Tu me réponds, Gérard? Ouais, je t'écoute. Est-ce que t'as un caractère de cochon? Bah, à ton avis? Bah, la question, c'est n'importe quoi. C'est sur l'écriture, c'est pas caractère physique que je viens de dire. Hein. Il y en a peut-être pas, mais il y ressemble. Hein. Bon, alors, cure-dent. Cure-dent. Je sais pas, attends, je sais pas où il est. Ouais. Bon, cure-dent. Tu travailles là ou quoi? Ouais. Bon, alors. Ah, moi, je suis scorpion. Hein? Alors, putain, cure-dent. Je suis scorpion, moi. Bon, allez, hop. Salut, scorpion. Bon, bah, allez, de toute manière, je pense qu'on va, on arrête là, putain. Oh, non. Non, c'est terminé. Non, c'est terminé. On a pas voté jusqu'à 3h du matin pour participer à un débat. Tu veux jusqu'au bout, ça va. Je peux te poser une question. Et quel signe? C'est pas le thème, c'est pas l'écriture. Tu sais que remarque, on peut faire un débat sur l'astrologie pour finir. Ouais, c'est prévu pour la semaine prochaine. Ah, merde. Tu vas inviter la voyante, là. Moi, je suis vierge. Ah, viens, ma chérie, que je te caresse le clitoris. Alors, Byzance. Oui, c'est Byzance. Byzance. Oui. Alors, pour toi? Bah moi j'ai bon caractère. Ouais non mais je te parle de l'écriture. C'est ta mère. Jean-Luc, ça, Jean-Luc au cure-dent ça suffit de dire des conneries comme pas ça. Cure-dent. Moi, c'est qui? Ma gueule. Bon bah tu raccroches et ouais, c'est tout. Non je t'écoute et je réponds quand j'ai envie. Bah, ouais, bien joué, vas-y. Ouais. Manu s'il te plaît. Ouais. Tu vires cure-dent comme ça il répondra pas encore. Ta sœur. Jean-Luc, mais Manu, oh! Jean-Luc! Oh là là là là là. Hey, Jean-Luc! Ta mère! Allez hop, terminé! Ça vend le monoprix! Oui, non, non, non, non, allez hop! Moi, vous discutez entre vous, c'est terminé le débat. C'est quoi le débat? Reviens! On va écouter un petit raid. On va écouter un petit disque. On pose tes questions d'après, Gérard. On va écouter un petit raid, Against the Machine. C'est terminé. Gérard. Envoie le disque. T'es qui, toi? Allez, envoie le c'est 10. C'est quoi la prochaine question, Gérard? Non, je pose plus de questions. Allez, allez. Et voilà, donc c'est la suite et la fin des débats du jeudi. Donc on va récupérer Amandine, Céline, Byzange, Cure-dent, Carla, Jean-Luc, Mylène. Non, Cure-dent, je l'ai viré, tu m'as dit. Ok, donc on va récupérer tout le monde pour dire une petite conclusion. Attendez, on a quelle question là? Gérard. Non, c'est terminé. Gérard, c'est Gérard. Putain, c'est pas ta petite fille, la merde. C'est l'apocalypse. Gérard, c'est terminé. Calmez-vous. Non, non, c'est terminé. On fait la conclusion. Attendez. T'as pas fini les questions. Tu crois que je me suis cassé le cul jusqu'à 3 ans? Ah, c'est mieux. Conclusion, chacun votre tour. Amandine. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, la conclusion sur le. Ah bah non, bah, t'as posé combien de questions? T'avais posé combien de questions? J'en ai posé 3 ou 4 à peine! J'ai 3 questions, t'es nul! Ça suffit pour faire une conclusion, ça suffit! On en a posé 5 exactement! Bah, t'es nul! Rappelle les questions, Gérard, donc ça fait une conclusion par rapport aux questions. Écoutez, aimez-vous écrire? À qui écrivez-vous? Faut-il prendre l'alphabet au pied de la lettre? Et préférez-vous le R majuscule ou le R de rien? Et écrivez-vous avec des bons ou mauvais caractères, voilà. Voilà, 5 questions super pour un débat jusqu'à 4h du matin, on s'est bien fait chier pour rien, merci. Hein. Pourri, hein. Ouais, mais... franchement. Ah, j'en viens. Non, mais je veux dire, Gérard, on paye pour participer à ce débat. Et non, pour l'instant, c'est vous. Non, c'est vous qui avez appelé, donc on vous a rappelé. Donc, nuance, c'est pas pareil. Parce que le numéro, il est gratuit, donc vous payez pas. Alors, faut pas prendre les gens pour des cons, là. Ça, c'est clair. Hein, on paye la radio pour participer. Hein. Comment? On paye la radio pour participer. Ah bon, tu payes. C'est nouveau maintenant. Eh ben ouais. N'importe quoi. Non, parce que je vous signale que c'est un numéro vert et un numéro vert, vous ne le payez pas. Gérard. Ah ouais, vous donnez le numéro de carte blanche. On donne le numéro de carte bleue au standardiste et après, ils nous débitent des trucs au guichet. Mais ça, faut pas le dire, faut pas le dire à l'antenne, ça. Non, mais sans déconner, j'en ai marre, moi. Il est 4h du matin, j'ai pas encore dormi. Bon bah voilà donc c'est des acteurs, c'est des comédiens, c'est du bidon ton émission. C'est dégueulasse. Ouais. Tu sais qui dit ça? Ah, fin du mois on va me tirer encore 400 balles hein, comme... Voilà. Et puis de toute façon, Gérard, c'est un acteur. J'essaye, attends, il passe sur tout le monde. Bon, bah, allez, c'est bon. Il a raison, il faut le dire. Et tiens, toi, t'es payé combien, Gérard? Ça te regarde pas. Ouais, bah, tu devrais nous en faire un petit peu parce qu'on participe bien. Hein. Gérard, je suis contrôleur du fisc. Attention, t'es payé pour faire 5 questions, t'es... Ouais, donc... On y va, chacun leur tour. Tu dis donc, non, Amandine. Et se calme. Je voulais savoir c'est quoi ton vrai nom, parce qu'on sait très bien que t'es un acteur. Faudrait... Conclusion, Amandine. Amandine. Bon, bah, ma conclusion, c'est que l'écriture, c'est utile, hein, voilà. D'accord. Depuis la nuit des temps. Ok. Cécile. Ah ben, l'écriture, c'est important, et puis bon, bah, j'ai passé un bon moment. Mm-hmm. Et puis, je t'embrasse, et j'embrasse Manu. Ok. Merci. Voilà. Bisange. Non, putain, c'est 5 questions, il faut le dire, ouvre tes oreilles. Byzance, excuse-moi. Eh ben, 5 questions, c'est nul, quoi. Franchement, nul, quoi. J'aurais fait d'aller me coucher plutôt que de te parler, quoi. Eh ben, ok, au revoir. Carla. T'es relou, elle, hein. Carla. Tu me mets Carla, Manu, s'il te plaît. Carla. Ouais, tu m'entends? Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec Byzance, la facette d'avant. Ton débat était pourri comme toi, c'était nul comme d'habitude et... Manu, vire-la. Allez, c'est bon, si c'est nul dans ce cas-là. On n'a plus Jean-Luc. Si. Bon, alors Jean-Luc, conclusion. Donc en fait, ce soir, je sais pas qui s'est fait baiser entre les auditeurs ou les animateurs. Sinon, je voulais faire un gros bisou à Lali et puis à Finder quand même, que j'ai vu récemment. Et puis Gérard, je te fais un bisou quand même si t'as un gros nez, quoi. D'accord, ok, je te remercie. Peut-être à la semaine prochaine, si tu veux. Donc, hein? Et Manu, arrête de les couper quand c'est intéressant, ce qu'ils disent. Donc, Gérard, tu seras à m'accueillir la semaine prochaine? Bah, si c'est pas le bordel comme cette semaine, oui. Bah, écoute, c'est super gentil à toi, je rappellerai avec plaisir, je te remercie, j'espère que tu vas passer une bonne fin de soirée. Ok, je te remercie. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Mylène? Oui, bon, moi, bon, pour conclure, je dirais que l'écriture, c'est utile pour écrire. Et c'est tout. D'accord. Ok, je te remercie. Et Barbara, pour finir. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est que, bon, Gérard, même si t'as un gros nez, même s'il est pas beau, ben, je t'aime quand même. Voilà. Ok, je te remercie. Bon, au revoir. Donc, c'est dommage qu'il y ait eu des petites coupures de temps en temps, mais sinon, bon, ben, ça aurait pu aller plus loin. Mais là, bon, bah, malheureusement, on a eu des petits problèmes avec un auditeur, donc on a voulu le passer en direct pour qu'il dise vraiment ce qu'il faisait. Donc voilà, donc sur l'écriture, c'est dommage qu'on n'a pas pu aller plus loin. Sur les 5 questions, c'était pas mal. Donc en tout, sur les 2 débats, bon, moi, à part le premier qui a foiré, mais sinon, tout s'est bien passé. Donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec les 2 thèmes de débat. Je vais vous les annoncer. Ah, ça sera toi, Gigi. Ça sera sur la musique et sur les signes astrologiques. Ah, donc, ouais. Alors, sur la musique, ça sera style techno, house et haute. Il y aura un peu de deep ou pas, non? Et c'est quoi les hautes? Bah, haute style de musique que les gens aiment. Ah, haute style, ok. Donc, je vais étudier ça avec précaution. Et sur les signes, ça sera quoi? Ben, ça sera sur tous les signes astrologiques. Bon, ben... Soit avec les ascendants et tout ça. Il y aura le Poisson, le Bélier, voilà, l'astrologie, la masse. L'astrologie complètement. Chinoise et tout, non? Non, non, non. Avec non. Les rats, les poulets. Non, non, non. Non, non, ça sera sur les signes. Le français. Les signes astrologiques français, d'accord. Voilà. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine. Et... Attends, il y a un message de Gilles, un dernier message qui dit j'ai enregistré un petit peu de la conversation que tu as eue avec Chaperon Rouge. Si tu veux, je peux te l'envoyer. Ben, t'écris au 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-sur-Seine, Sedex, et on attend ta cassette. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Vous allez retrouver Bart pour la nuit sans pub, et bien sûr, tous les autres animateurs.